Forcé non, vitre teintée. Bender, bender. J'partais au charbon. Oui. Les biches portent blindées. J'encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'charbonne toujours les mains gantées. Oui. J'charbonne toujours les mains gantées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Oh, oui, oui, oui. Elle prend pas le cul. Elle veut pas se régater le clito. Bendo na bendo. Tosse comme un charron. Oui. Petit, nigga ça loqueto. Nigga ça loqueto. Donne-moi le tarot. J'vais pas trace pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Oui. Bendo, m'as tu dit charron. Au Paco les choco. Maintenant, t'as même le temps rose. On paye pour qu'on t'arrose. Trafic un thé et la parole. Trafic un thé et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Plan A, je vais plomber. Ou comme la bœuf, je vais planter. J'commence seulement, j'commence seulement. Moi, tu dis rock. On a la talement. Dans la rue, ça t'allume brutalement. En tes masses ou en véhicule allemand. Allemand, tu tires apparemment. Allemand, tu fais ça choralement. Allemand, pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y, prends un calmant. Auto, j'suis yombe. Pour tous les frères qui tombent. Jamais seul, demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon ombre. J'suis barbu, j'pose pas des bombes, j'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de Zeyo, donc je le braque. Faut bendo illico, gros y'a la bac. Faut baisser comme Hugo, j'ai changé de bas. NS en hélico, j'suis en jetpack. On veut des sous comme au loto. Pas de peine blanchée, pas de toto. Poto, pied planché dans l'auto. On est les best, y'a pas fait tout. C'est de l'argent qui t'a condition, protège la mufeu. Et qui veut faire avant feu comme un arc. On sait faire la guerre comme des sauvages, puis comme des bisous du cognac. Bibi des trolls, sont gros face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des Tana, des squads. J'fais mes doha. Hola amiga, amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, qui t'a dépensé. Attaque à la machine comme un Ruben Koutou. J'te mets les trois points comme Jordan et Moula. Allumé, manque de poids, tu vas, ça t'a touché. Matu du charo, matu du charo, matu du charo, matu du charo, matu du charo.